l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée, le président du Comité arabe pour la solidarité avec le peuple coréen et le soutien à la réunification de la Corée a présenté dans son page d'Internet un écrit suivant. La position élevée internationale et la puissance invincible du Parti Travail de Corée sont le résultat de la direction clairvoyante du maréchal Kim Jong-un et de l'unité monolithique des militaires et civils coréens autour de lui.